disaient que ça faisait bien que de passer toute leur nuit blanche défoncée jusqu'au matin. Que vont-ils en devenir? Les coursiers en mobilette, les coiffeuses trous des halles, dans les boîtes de nuit pourries, dans leur chambre à l'étage. Que vont-ils en devenir? Ouais, que vont-ils devenir? Ouais, que vont-ils devenir? Les voyageuses, tous les trains de banlieue qui descendent sur Paris,